Chapitre 2e. Daumonton guida l'anglais et l'introduisit au quartier général. Sans se faire annoncer, il poussa droit au bureau du chef. Là, l'officier de marine dissimula, sous un sourire déférent, la surprise qui l'assaillit. En tablier blanc tendu sur le ventre, le front ceint d'un bonnet de maître coq, Bisson s'adonnait à la confection raisonnée d'une recette inédite, attentif à son fourneau et à ses sauces, comme à l'étude d'une nouvelle ordonnance de manœuvre. Présenté par l'aide de camp, le major Wellesley parla. « Monsieur le gouverneur, dit-il d'un ton gourmé et solennel de plénipotentiaire, mon amiral s'estime un estomac sans rival. Votre officier lui a déclaré qu'en vous était le plus beau convive de la grande armée. Charmé de rencontrer un rival là où seuls sont en jeu les armes courtoises, il m'a confié l'honneur de vous proposer un match à table. L'enjeu serait la liberté de votre aide-de-camp. Toutefois, une mission nous éloigne pour une quinzaine de la côte toscane. Au retour seulement, mon chef pourra soutenir son défi. Quelle est votre décision ? » Accoutumé à de semblables provocations, Bisson ne sourcilla point. L'idée de gagner la rançon de son officier, en humiliant l'insolence à répétition des prétentions anglais, toujours portées à se croire en tout supérieur, donnait au brave homme une telle envie d'éclater qu'il abrégea les politesses du cartel et accepta toute condition sans barguiner. Il conclut simplement, en congédiant le parlementaire, à quinzaine. Demeuré seul avec Daumonton, le général se débonda en feu de fil de fou rire. Ses épaules houlaient, son ventre finalement brisa le cordon du tablier dont il était sanglé. « Tire ton plan, monsieur l'officier du génie. Pris par les habits rouges, à la pêche des rougets. Le pêcheur pincé par le poisson. Tire ton plan, ou sinon gare les pontons. » Silencieux, Daumonton songeait. Son excellent général, il l'exposait pour lui. Mais la confiance lui revint, car il savait que le brave Bisson, qui piquait une fourchette symbolique dans la ganse d'or de son gros chapeau empanaché, était invincible, aussi bien le ventre à table qu'à cheval en race campagne. Le soir même, des courriers rayonnèrent sur toutes les routes. L'état-major avait dressé le menu avec le soin méticuleux et raisonné d'un tracé de travaux d'approche, et l'exécution devait en être menée au pas de charge. 8 jours plus tard, Strasbourg entrait en ligne avec ses pâtés et d'interminables chapelets de saucisses emmaillotés d'argent. Bayonne et Mayence renforçaient ce premier contingent de leur jambon superbe et, enfants perdus de la charcuterie, s'égayaient les produits d'Arles, de Lyon, de Bologne. Puis c'était un arôme puissant qui embaumait la ville. Périgueux débarquait ses truffes. D'un des poulardes de Bresse rivalisait, face aux fastueux chapons du Mans, pansus comme des oies, gras comme chanoines. Les fleuves aussi étaient conviés, le Rhin, le Rhône, la Loire, déverseraient au jour dit par bourriches, carpes, brochets et anguilles. La mer donnerait à son tour, la Méditerranée ses langoustes, l'océan le roi des turbots. Les grands vins firent leur entrée. Le défilé dura des heures. Force fut de doubler les corps de garde. C'était le délicat Médoc, le chaleureux Chambertin, les puissantes côtes du Rhône, les crus parfumés de Bourgueil, le clair jus d'Arbois, le liquoreux Frontignan et les fameux vins blancs odorant le silex des coteaux français qui bordent le Rhin. Dernier arrivé, le champagne annonça l'approche de la venaison rencontrée en route au passage des Alpes. Fruits conservés, eau de vie, mare, kirsch à leur tour défilèrent. Chaque région convergeait au rendez-vous. 4 bouteilles d'une fine champagne incomparable, vieille et précieuse comme des marquises, se présentèrent comme on ne les attendait plus. Et avec elles parvinrent les fromages. Commandes supplémentaires expédiées en retard, par-suite d'un oubli de cet étourdi de Daumonton qui avait méconnu l'axiome de son compatriote. Sans fromage, un dessert est une belle à qui il manque un œil. Enfin ils étaient là, tous présents à l'appel. Roquefort, Brie, Gruyère, Camembert, Mondor, Marolles, Jérôme, Gex, Bondon, Livarot, Coulommiers, Cantal, Olivet, Époisses, Romatour, Pont-l'Évêque, Tom, Rigotte, Hollande, Sassenage, Parmesan, Sémonède et d'autres encore, de tous lieux, de toutes formes, les durs et les mous, les délicats et les forts, les menus et les énormes. Le soir du 14e jour, le général, un peu effrayé de l'encombrement, voulut réclamer l'addition. Daumonton alors lui parla de sa gloire, de l'occasion offerte d'une victoire sans pareille, de sa réputation désormais consacrée, imposée à tous, sur mer comme sur terre. Et Bisson l'écouta un sourire épanoui sur la face, confiant en sa valeur. L'odeur des cuisines, dès la nuit venue, flotta sur le quartier général, le pénétra de suaves effluves. Le gouverneur s'examina la langue, se tâta le pouls, en lui grondait une voix tyrannique et menaçante qui s'exhala en un cri grandissant. « J'ai faim ! J'ai faim !»